Portrait d'assaut sur Fadjet. Découverte aujourd'hui d'une association qui a un an ou un peu plus d'un an. Elle s'appelle Typique Atypique 54. Pour nous en parler, nous avons en studio Guy Menu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes trésorier de cette association. Oui, tout à fait. Nous avons aussi Marion en studio. Bonjour Marion. Bonjour Yves. Qui est en stage avec nous pour quelques semaines et qui n'hésitera pas à intervenir. Découverte donc de cette association Typique Atypique 54. Alors Guy Menu, je vais vous donner tout de suite la parole. L'objectif de cette association en quelques mots. L'objectif est d'accompagner les familles des enfants qui présentent des troubles neurodéveloppementaux. Il y a un certain nombre d'accompagnements pour les enfants, avec des professionnels, ça c'est une chose, mais les aidants, les parents et les frères et sœurs aussi, sont souvent dans des difficultés importantes, et l'association cherche à aider ces familles au travers des parents, avec un certain nombre de choses qu'on va détailler. Exactement, alors quand on parle de troubles, il y en a de toutes sortes, c'est les 10, les troubles 10. Les troubles du neurodéveloppement, ça couvre un certain nombre de choses. Ouais. Donc les troubles 10 qui sont connus depuis maintenant un certain temps, donc les dysorthographies, dyscalculie, dyslexie, oui. Bien sûr. Les troubles du spectre autistique aussi. Et puis les troubles de l'attention, avec ou pas hyperactivité. Puis aussi les troubles du développement intellectuel, bon ça c'est encore autre chose. Et on y a également des troubles qui peuvent être moteurs, ou des troubles spécifiques d'apprentissage. Il y a un certain nombre de troubles comme ça. Mais les plus connus sont effectivement les troubles 10, TDAH et les troubles du spectre autistique. Voilà, des troubles qu'on diagnostique un peu plus facilement aujourd'hui, avant qu'on laissait vraiment de côté. Et... Ce sont des troubles qu'on diagnostique depuis pas mal d'années maintenant, mais quand même, c'est assez récent, disons. Oui. Globalement, depuis Jules Ferry, on avait beaucoup d'enfants qui n'étaient pas diagnostiqués pendant des dizaines d'années et qui présentaient tous ces troubles et qu'on ne savait pas du tout géré, qu'on mettait de côté, plus ou moins. Et aujourd'hui, donc, non seulement on diagnostique beaucoup plus tôt, c'est-à-dire qu'on peut diagnostiquer des enfants des 3-4 ans, mais aussi on diagnostique des adultes. Le spectre est large, et de ce fait, bah, on en entend beaucoup, beaucoup parler, parce que il y a beaucoup de monde qui se trouve dans cette situation. Dans le monde, en 2023, on disait une personne sur six présente des troubles neurodéveloppementaux, donc ça fait quand même 17% de la population, ce qui est quand même énorme. Et donc les troubles dont on parle, ce sont des handicaps invisibles. Parmi les personnes handicapées, il y a tout un tas de handicaps qui sont visibles et évidents en regardant la personne. Et puis 80% parmi l'ensemble des personnes handicapées sont des troubles invisibles. Et donc, l'association Typique Atypique 54, je l'ai dit en intro, hein, ça existe depuis un an maintenant à peu près. Oui, c'est ça, depuis début de l'année dernière. En fait, on avait d'abord créé une antenne d'une association nationale qui s'appelle Typique Atypique, qui est à Strasbourg. Et pour des raisons de facilité, de tout un tas d'ordres administratifs, financiers, etc., on a préféré recréer une association à part entière, locale, à Pont-à-Mousson, pour le département 54. Et avec leur accord, on a des très bons échanges avec eux, avec leur accord, on a utilisé une partie de leur nom, donc Typique Atypique, auquel on a accolé 54. Alors, le rôle de cette association, vous l'avez évoqué, c'est quoi ses principales missions aujourd'hui? Alors, les principales missions, bah, c'est d'aider les parents, principalement. Donc, on va avoir un certain nombre d'actions. On va, par exemple, toutes les deux semaines, faire des permanences qui permettent d'aider les parents dans leur parcours, toutes les difficultés parmi les dossiers, les diagnostics, la recherche de professionnels, il y a un certain nombre de choses. Et puis, en même temps, leur prêter également des outils. Il existe des matériels qui sont souvent très chers. On a la possibilité de leur prêter ce qu'on appelle, par exemple, des couvertures lestées, qui permettent aux enfants de sentir leur corps, ou des vestes à pression profonde, c'est dans le même esprit, des coussins proprioceptifs sur lesquels ils s'assoient, ils se sentent également, des casques anti-bruit, vous voyez, tout un tas d'outils comme ça, que l'on peut prêter, et également toute une bibliothèque riche et variée dans le domaine de l'ensemble de ces troubles, et puis des jeux aussi, des jeux adaptés à ces différents troubles et qui permettent aux parents de pouvoir jouer avec leurs enfants. Donc ça, c'est des choses que l'on fait pendant les permanences tous les 15 jours. Et une fois par mois, on fait des groupes de parole. C'est-à-dire que les parents peuvent se rencontrer, donc entre 15 et 20 personnes maximum, se rencontrent. On fait une fois par trimestre, on va à la Maison des aidants à Nancy, qui fait un travail équivalent pour l'ensemble des personnes handicapées. Donc la Maison des aidants nous accueille pour faire ces groupes de parole une fois par trimestre. Sinon, le reste du temps, bah, on fait ça dans des locaux prêtés par la municipalité de Pont-à-Mousson ou par la municipalité de Mousson également, qui nous a aidés au début. Donc, c'est un accompagnement essentiel pour ces familles qui, vous l'avez évoqué, il y a énormément de démarches à faire. C'est parfois un parcours du combattant, déjà, pour que le diagnostic, parce qu'il y a évidemment différents niveaux dans ces troubles, plus ou moins forts, mais il faut que le diagnostic soit fait, il faut rencontrer des soignants, il faut voir les enseignants aussi. Et là, vous êtes là vraiment pour accompagner ces familles qui peuvent être démunies par rapport à ça. Oui, tout à fait. Et les personnes qui viennent voir l'association n'ont pas forcément un diagnostic établi. Ils peuvent simplement venir pour se renseigner, savoir vers qui se tourner, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont les médecins, en général, qui sont en première ligne. Et dans le carnet de santé de l'enfant, c'est très récent, là, depuis ces quelques mois, il existe un guide de repérage à destination du médecin qui lui permet de pouvoir, au travers d'un certain nombre de questions, de pouvoir repérer des signes qui permettent ensuite de se retourner vers des organismes spécialisés pour faire les diagnostics. Et des familles peuvent se tourner vers vous même avant pour renseigner. Vous avez dit qu'il y avait une bibliothèque pour se renseigner, pour avoir des outils qui leur permettent de savoir où et comment fonctionner. En dehors de ça, on fait également depuis peu des soirées thématiques. C'est-à-dire qu'on essaye de favoriser des échanges avec des professionnels spécialisés qui viennent sur un thème donné, indiquer un certain nombre de possibilités, de faire gagner en compétence en fait les parents, c'est-à-dire qu'ils puissent être moins démunis vis-à-vis des troubles de leur enfant. Par exemple, on a fait une réunion qui s'appelait sur les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, c'est des réflexes qu'on a dans la petite enfance et certains peuvent subsister à l'âge adulte et être perturbants. Donc, comment arriver à se séparer de ces réflexes dont on n'a plus besoin? Le diagnostic, on en a parlé. Les droits aussi, les droits des aidants, comment ils peuvent fonctionner? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre différents organismes? C'est ce que fait aussi la Maison des aidants à Nancy. On a fait aussi on prévoit de faire des réunions avec un psychomotricien, un ergothérapeute, vous voyez, ce genre de choses. Donc, on fait des soirées thématiques pour vraiment orienter l'information la plus proche et la plus pertinente vers les familles. Et puis là, on va proposer aux parents un parcours bien-être depuis ce mois-ci, pour prendre soin d'eux, découverte d'activités de type relaxation, sophrologie, aquasophrologie, art-thérapie, sport détente. Il y a plein de choses, un spectre large, de façon à ce que les parents qui sont dans une complexité sans nombre, qui ont donc des difficultés psychiques et physiques, puissent arriver à trouver un moment de détente et de bien-être. Voilà, beaucoup de choses qui sont mises en place. Vous l'avez dit, des groupes de parole, des rendez-vous un peu plus thématiques avec des professionnels. On va démarrer également cette année une sensibilisation à différents environnements, une sensibilisation à la neurodiversité, vers les écoles, mais pas que. Mais on va commencer bientôt à Nancy, avec l'école Saint-Sigisbert à Nancy, qui organise une semaine de sensibilisation. En fait, ils avaient déjà fait quelque chose l'année dernière, qui était axé sur l'handisport. Et cette année, ils font une semaine axée sur des TND, comme le TDAH et les troubles 10. Donc on va intervenir dans ce cadre-là. Ils font des conférences, ils font des ateliers, ils font un certain nombre de choses. On va intervenir dans ce cadre-là pour faire des présentations à différents publics, primaires, collégiens et lycéens. Le spectre est large, donc avec les accompagnants, avec les enseignants, etc. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est un des gros problèmes aussi actuellement, la sensibilisation dans tout un tas de domaines. Il y a une méconnaissance de ces troubles et une méconnaissance surtout de la façon dont on peut appréhender les troubles de l'enfant et l'aider. Alors, il existe depuis un certain nombre d'années maintenant dans les écoles ce qu'on appelle des AESH, des accompagnements des élèves qui sont en difficulté. Mais le problème, c'est le nombre. C'est-à-dire, ils ne sont pas suffisants aujourd'hui. Notoirement insuffisants. Et puis, ils ont besoin aussi de formation, ils ont besoin d'un certain nombre de choses. Donc, ces accompagnants qui sont souvent affectés à plusieurs enfants en même temps ont besoin vraiment d'outils et vraiment ont besoin de connaissances. C'est vraiment important. Ces accompagnants-là ont un rôle très important. Mais ce sont des gens qui ne sont pas encore suffisamment valorisés. Mais bon, l'enseignant dans sa classe ne peut pas tout faire et prendre en compte tous les cas possibles qui existent. Il a un certain nombre de choses, donc il a des difficultés à intégrer dans sa classe. L'école inclusive, c'est très bien, mais il faut aussi des moyens pour que tout le monde puisse être inclus. Marion, est-ce que tu as une remarque ou une question ? Oui, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui vous motive à vous engager ? La création de l'association a été faite à l'origine par une éducatrice spécialisée, donc qui travaillait pour les enfants, qui a travaillé longtemps en établissement, puis qui ensuite s'est mise à son compte parce que justement elle voulait aller vers les parents, parce qu'en établissement c'est pas facile à faire et c'est souvent pas fait. Donc elle voulait aller plus dans les familles, vers les parents. Et en même temps, en rencontrant des familles, elle a pu créer cette association. C'est une double vision professionnelle et parents qui est à l'origine de la création de cette association. Merci Guy Menu. Alors pour trouver des informations concernant l'association, vous avez dit que vous êtes basé sur Pont-à-Mousson aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une adresse à donner peut-être ? On peut donner l'adresse du site, hein, c'est typicatypique54.fr. Alors l'écriture c'est TYPIK54. Donc typique, atypique, mais avec un Y et un K. Voilà, on mettra bien sûr l'adresse, et puis si on tape dans un moteur de recherche, on vous trouve. Voilà, et sur Facebook, pareil, typique atypique 54, avec une apostrophe entre le typique et le atypique. Parfait. Merci beaucoup Guy Menu, merci beaucoup Marion. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.